Donc je vais faire un repeat juste pour l'enregistrement. On va lancer un débat en fait sur les manifestations policières qui ont lieu depuis une semaine maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu ensemble quels peuvent être leurs enjeux, quel est l'historique de toutes les colères policières qui ont pu avoir lieu ces dernières décennies en tout cas. Et puis aussi savoir si des personnes ont été discutées avec ces policiers, qu'est-ce qu'ils revendiquent, est-ce qu'on peut finalement... je vais employer le mot de convergence, pas forcément. Non, est-ce qu'on peut au moins créer un débat avec eux et échanger les points de vue, notamment lors des manifestations et d'autres choses. Donc, Mehdi. Alors, je vais commencer avec mon petit exemple d'hier soir. Ils sont venus sur la place. On les a un peu observés de loin. Il y a eu quelques... tout le monde déteste la police. Puis il y en a eu d'autres qui ont dit « Venez converger avec nous ». Donc, comme d'habitude, Nuit Debout n'était pas... avait pas une pensée unique, donc j'ai reconnu là Nuit Debout. Donc ça, c'est une des complexités. Je commence par ça parce que c'est une des complexités de notre mouvement, qui fait que si on voulait appeler à convergence, ça serait forcément compliqué avec certaines personnes au sein de Nuit Debout. Donc en allant discuter avec eux, j'ai eu un monsieur qui avait deux brassards police. Et on a commencé par cette question-là. Pourquoi vous avez deux brassards? Et puis, est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de travailler? Est-ce que c'est vos heures de travail? Ben non, il dit, on est obligé de se les acheter nous-mêmes, ces brassards. Donc, c'est pas, on est hors de l'heure du boulot. On a fini à 8 heures et puis on est là en train de marcher et de demander un peu plus de droits. Globalement, de quoi on a parlé? On a parlé plutôt du fait que c'est le gouvernement essaye d'instrumentaliser même ce mouvement-là, par exemple en ayant des porte-paroles qui sont pas forcément qui sont des gens en fait qui sont déjà du métier, c'est-à-dire qui sont déjà des syndicalisés ou des syndicalistes. Donc du coup, c'est ça qui fait que par exemple ils ont un porte-voix, ils ont un mégaphone, c'est ça qui fait qu'ils savent parler aux médias, qu'ils savent haranguer une foule et répondre aux questions. Donc ça, c'était un élément important. Ce qui était aussi très important dans ce qu'ils disaient, c'est qu'ils sont non syndicalisés et apolitiques, que c'était très très important pour eux de dire qu'ils ne représentent aucun syndicat qui les drive ou qui les conduise, parce qu'ils ne croient plus dans les syndicats, pour la raison que je viens de vous citer, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les syndicats sont bottes du gouvernement. Et qu'ils sont surtout apolitiques. Alors du coup, j'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question de la présence d'un certain nombre de gens du FN ou de gens proches du FN dans leur rang. Et pour lui, en fait, c'est de la manipulation médiatique, parce que ça permet de décrédibiliser leur mouvement. Ça permet d'éviter que des personnes qui se sentent proches de leur lutte les rejoignent. Et ça, voilà, c'est pour eux, c'est ça en fait derrière ce type de message qui est diffusé. C'est surtout une manière de casser éventuellement un élan de fédération ou en tout cas pour les rejoindre. Le monsieur me semblait pas être particulièrement agressif, il était très gentil. La seule chose qui est bon, je sais pas, ça m'a paru un peu étrange. Il m'a demandé un peu qui j'étais quand je suis arrivé. Donc j'ai dit je suis Mehdi de Nuit Debout et à côté de moi il y avait Alice. Je suis Alice de Nuit Debout. Et voilà, on a commencé à discuter très très naturellement, très très simplement. Ensuite, ils ont commencé à se déplacer, ils ont marché le long. Il y a eu quelques échauffourées avec peut-être un mec ou deux un peu ivre. On a continué sur le boulevard Voltaire. Enfin, on a continué. Moi, je les ai un peu accompagnés sur le boulevard Voltaire. Là, j'ai vu qu'en fait, il y avait une quinzaine de CRS qui commençaient à les rejoindre et à les accompagner. Donc, en gros, c'est une manière de garantir une sorte de protection du cortège. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Et avec une personne qui semblait discuter assez facilement avec la police, la vraie police, enfin celle qui était en fonction et qui les accompagnait, je suis parti le voir, lui demander un peu comment se passait la sécurité de ce genre de marche sauvage. Il disait qu'en général, ça se passait bien, sauf quand il y avait deux, trois personnes un peu ivres, qui menaçaient les policiers et qui menaçaient par exemple d'aller brûler des bagnoles de flics en banlieue, etc., etc. Et donc dans ces cas-là, il y aurait pu y avoir un peu de... Les esprits auraient pu s'échauffer et il y aurait pu y avoir un peu de... de difficultés justement, de batailles. Donc voilà, la communication avec la police se passe plutôt bien, on se regarde un peu. On se regarde un peu, notamment parce qu'on a cette historique anti-police au sein de Nuit Debout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va converger ou est-ce qu'on va dire qu'on va faire des choses ensemble? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne me paraît pas étranger de faire une assemblée populaire avec des paroles de flics. Je pense que c'est important d'écouter leurs paroles. Après, est-ce qu'il y aura des gens qui voudront absolument les empêcher de parler? Ça, c'est possible. Et ça veut dire comment on fait pour gérer ces gens-là? C'est un peu... Voilà, moi je pense que c'est la principale question qui se pose. Je pense qu'on est capable et qu'on a envie d'entendre la lutte des policiers. C'est juste qu'au sein du mouvement Nuit Debout, il y a des gens qui n'ont juste pas du tout envie de les entendre et qui considèrent qu'ils sont dangereux à plein de niveaux. Voilà. Oui. Alors n'hésitez pas, hein, tout le monde peut participer. Là, il n'y a pas d'intervenants, c'est un débat ouvert. Moi, je vais parler par rapport à ce qui s'est passé durant les 5 derniers jours. La première soirée, on a cru que c'était un mariage de keufs, ce qui était magnifique parce qu'ils avaient mis les warnings, les gyrophares et tout ça. Bon, nous, à la rue, on savait même pas, on lit même pas les journaux, alors voilà. Deuxième soir, j'entends parler qu'il y a eu une manif sauvage de la police. Oui, tant mieux pour eux. Malheureusement, faut savoir que dans les manifs, moi, j'y suis allé celle d'hier. Ce que j'ai trouvé inadmissible de leur part, c'est d'aller devant le Bataclan au bon moment où vraiment ils ont eu la tristesse, où il y a des gens qui ont perdu leur famille, et que derrière, ce gouvernement-là se permet de retirer et de faire une plaque bien éloignée de la place de la République, tout au fond de la place, et tout enlever. Pour pouvoir dire, allez, on va cacher quand même les attentats, et puis voilà. Et ils vont se regrouper au Bataclan, devant le Bataclan, à Château la Marseillaise. Ça, j'ai trouvé ça inadmissible. De deux, j'étais en fin de cortège. Il se passe qu'il y avait une voiture de Bakieux, deux gros sacs à l'intérieur. On me dit quoi? Dégage, tu nous empêches de pouvoir marcher, de pouvoir rouler. Pourtant, je marchais tranquillement, hein, comme je suivais la manif. Puis j'ai fait, excuse-moi, mais je suis derrière, peut-être oui, mais je suis quand même. Ouais, mais non, dégage. Oh, excusez-moi, quand il y a des keufs qui disent ça, ou même quand vous essayez d'interpeller des keufs pour leur expliquer des situations au niveau des répressions policières qu'ils exigent de faire grâce à leurs surpayeurs, et que tout simplement vous leur dites, ouais, il y a les SDF qui se font voler par vos collègues. Il y a des SDF qui se font réveiller à 7h du matin par vos collègues. Mais pas n'importe comment, hein, je vous rassure. Ce week-end dernier, où j'ai créé le week-end du refus de la misère, il faut savoir qu'ils étaient 18 le matin, 18 keufs pour 6 personnes et 3 toiles de tente. Le deuxième soir, pour 15 personnes, ils étaient 30. Habillés en tenue de combat. Alors moi je dis, c'est vraiment une manipulation, vu que c'est qu'on trouve bientôt les élections présidentielles et que on sait très bien que ces personnes-là sont exactement un mouvement social facho, parce que je le dis bien, c'était des fachos et ça reste des fachos, parce que là, ils se mettent en grève, pourquoi? Parce que pour les collègues qui meurent dans leur voiture de police, suite à des grenades, suite à des cocktails Molotov, d'autres, les cocktails Molotov balancés dans un commissariat de police. Mais, excusez-moi, ces gens-là ne vous parlent pas aussi de la détresse du peuple qui est dehors. La détresse du peuple qui travaille et qui se fait gazer, nasser et matraquer tout le temps, à chaque manif. Moi, je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas de nasse, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de matraquage. Il n'y a rien du tout. C'est simple. Ils ont un uniforme. Les copains, ils ne vont pas réagir sur les copains. Ça ferait mauvaise vue après le boulot. Ça serait une rencontre entre fachos, anti-fachos. Et il est là le problème. Que eux, ils s'autorisent de faire des manifs sauvages à 22h, voire à minuit. Et nous, quand on va manifester sauvagement on déclare ça à partir d'une certaine heure, mais derrière on se fait matraquer, on se fait nasser, on se fait gazer, on se fait taper dessus, et on nous interdit de manifester. Alors, il y a un problème quelque part. Ils se disent tout simplement être en colère, mais nous d'abord on est en colère depuis des mois et des mois. Alors maintenant, comment réagir par rapport à ça? Oui, donc là, on prend bien en compte le fait que chacun, pour l'instant, a un avis différent. Mehdi, par exemple, disait quelque chose. Toi, tu dis plutôt que c'est des fachos. Bon, chacun, voilà, là, l'idée, c'est aussi les personnes qui ont pu discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils en pensent aussi. Tu avais un tour de parole, du coup? Et n'hésitez pas à participer. Hein. Alors, bonjour à tous. Je vais pas reprendre ce que disait Seb, parce que chacun a son opinion sur la chose. Moi personnellement, j'essaye toujours. Avant, j'étais un peu comme Seb aussi, de me dire voilà, les flics, c'est tous des salauds, c'est tous des saloperies. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. En même temps, c'est vrai qu'en même temps, il y a un certain pourcentage de chez eux. Bon, c'est sûr qu'ils sont avec le FN. Ça, malheureusement, c'est un petit peu difficile de les retirer de là-dedans. Ils sont comme ils sont. Mais je pense que tout à l'heure, quand disait Mehdi, justement, et puis j'ai entendu une personne ce matin qui disait, c'est pas de ce matin, c'est d'hier ou d'avant-hier, qui disait surtout que, et je suis complètement pour ça, que lorsque justement il y a eu les attentats de Charlie et compagnie, il y a eu une symbiose presque entre citoyens et policiers, on va dire. Tout le monde était un peu uni, quoi, lorsqu'il y a eu l'énorme manifestation qu'il y a eu à la place de la République et dans toute la France. Tout le monde était un petit peu uni, même avec les forces de l'ordre. Tout ça, ça a été chamboulé par rapport à certaines personnes qui n'ont pas compris au bout d'un moment que il fallait que les citoyens soient, et puis que les forces de l'ordre soient aussi, unis entre eux. Il y a certaines personnes qui ont pensé que les citoyens devraient être d'un côté et les forces de l'ordre de l'autre. Ce qui pourrait dire que, voilà, à chaque fois, les forces de l'ordre doivent venir à chaque fois dire non, vous ne faites pas ci, non, vous ne faites pas ça. C'est pas aujourd'hui une question, et je pense qu'il faut vraiment se poser la question de se dire c'est pas eux, c'est pas les personnes qui sont en tenue, c'est pas les personnes qui sont avec des habillées comme des Golgothes qui ont une pensée comme celle-là. Et je pense que c'est. Il y a une moitié, je dirais, 60% de ces personnes, enfin 40% de ces personnes-là qui, ou 30% de ces personnes-là qui pensent comme leurs supérieurs. Mais il y a 60%, à mon avis, de personnes qui pensent pas comme leurs supérieurs. Et pour moi, les personnes qui étaient là hier soir ne pensent pas comme leurs supérieurs. Ils ne pensent pas du tout comme leurs supérieurs. Ils ne veulent pas entendre parler de leurs supérieurs. D'ailleurs, ils veulent qu'ils virent leurs supérieurs. Et même plus haut que leurs supérieurs. Comme ce gouvernement de merde. Et c'est pour ça qu'ils en ont un petit peu ras-le-bol. De voir justement ce système, on va dire, policier, on va dire, de hiérarchie policière qui fait en sorte, on va dire, de leur faire des missions de merde, comme ils le disent eux-mêmes. Ils en ont marre de faire de la répression, du tapage, parce que j'appelle ça du tapage. Alors on leur dit d'aller taper. Est-ce que nous, en tant que citoyens, on s'est posé la question, parce que eux aussi, ils votent. Eux aussi, ils vont voter. Eux aussi, ils font leurs courses, comme tout le monde dans les supermarchés. Est-ce qu'on a été leur poser la question à eux? Est-ce que ça leur fait plaisir d'aller taper des gens qui ont presque la même idée que nous dans les manifestations qu'on fait ou dans ce qu'on revendique? La plupart à qui on va parler nous disent ça nous fait chier d'y aller. Ça nous emmerde qu'on nous ordonne de taper sur des gens ou des vieilles personnes qui sont en train de manifester. C'est pas que je les défends. C'est pas ce que je dis. Je défends pas la classe policière. Je défends juste des personnes qui, eux aussi, ont un cerveau. Il faut pas croire qu'il y a que lorsqu'on rentre flic, on a pas de cerveau. Ou qu'on est complètement con et qu'on a juste envie d'une chose, c'est rentrer chez les CRS et de bousiller toutes les personnes qu'on voit en face de nous. Non. Il y a des gens qui sont complètement différents de ça. Qui sont pas rentrés dans ce boulot-là pour taper sur la gueule des gens. Qui sont rentrés pour une vraie valeur. Ces gens-là, je pense, pour moi, après, chacun a son point de vue. Et je le rappelle bien encore une fois que je ne défends pas la classe policière et je ne défends pas encore en plus le chef de la police nationale aujourd'hui. Et je défends encore moins Monsieur Cazeneuve qui justement se sert de certaines personnes justement pour les faire aller au casse-pipe ces gens-là. Leur dire allez taper parce que moi je l'ai ordonné. Donc vous allez écouter ce que je vous dis. Et aujourd'hui ces personnes qui défilent aujourd'hui, qui manifestent, c'est vrai que ça c'est quasiment du jamais vu. Ben ces gens-là, on aura le bol, qu'on leur donne des missions de merde. Ils préféreraient aller aider, justement, comme certaines personnes le disent, qu'on les écoute, qu'on prend le temps de leur les écouter ce qu'ils ont en train de dire, ou de ce qu'ils ont envie de dire. Parce qu'on les, voilà, à force, on les considère comme des bêtes sauvages, quoi, qui, voilà, qui, ils supportent pas la citoyenneté, ils supportent pas les gens. Non. Moi, pour moi, il y a, j'ai presque envie de dire, il y a 50-50. Il y a 50% de salauds dans ce métier, mais il y a quand même 50% de gens bien. Il y a des gens, lorsqu'ils vont voir une personne se faire agresser dans la rue, ils vont y aller. Il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre. Comme il y a un exemple de Sébastien, il y a peut-être des gens qui vont se faire voler dans la rue, des SDF, ou voilà, des personnes dans la rue, qui vont se faire voler, il y en a d'autres qui n'en ont rien à foutre. Qui vont dire, bah, vous avez qu'à aller ailleurs, ou vous avez qu'à faire gaffe à vos affaires. Mais il y en a d'autres qui, surtout les femmes policières qui vont être là, qui vont se dire, justement, bah, ouais, bah, écoutez, on va essayer de voir qui a fait ça. On va essayer de se renseigner. Pour pas que ça se reproduise, pour pas qu'on vous vole vos affaires, encore une fois. Donc j'aimerais que voilà que ça, les gens, enfin qu'on puisse nous nuit debout essayer de, on dit convergence des luttes. Pour moi c'est ça aussi, c'est défendre tout le monde, c'est défendre toutes les classes sociales, c'est défendre tous les métiers. Et je pense pas que bah, les forces de l'ordre aussi n'aient pas le droit à s'exprimer. Et j'aimerais bien justement qu'il y ait des fois des forces de l'ordre qui viennent à nuit debout pour s'exprimer eux-mêmes, qui parlent de leur métier, de ce qu'ils vivent dans la journée eux-mêmes. Parce que nous, on entend ce que disent les médias, on entend ce que disent les gens, mais on n'a jamais entendu un flic venir prendre le micro et dire ce qui se passe réellement dans sa vie quotidienne, quoi. Ce qui prend à la fois à l'extérieur, comme insulte et compagnie, mais ce qui prend aussi au niveau de ses gradés et des supérieurs. Donc voilà, moi, c'est juste, j'essaye de faire la parité entre les deux. C'est, voilà, j'aimerais bien que Nuit Debout se mette à faire la parité. Mais je le dis encore une dernière fois, pour le moment, c'est vrai que je ne suis pas encore vraiment avec les forces de l'ordre non plus. Voilà, j'aime encore les manifs. Tout à fait, puis c'est vrai que c'est une opportunité là pour les rencontrer dans ce cadre-là. En fait, Rico, tu as à peu près tout dit. Je voulais juste dire, en fait, je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit Seb. Bon, en fait, il faut faire la distinction entre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, bon, bah, c'est une institution avec des hommes qui obéissent aux ordres. Et quand on leur dit de taper sur des lycéens, et bah, ils tapent sur les lycéens. Bon, que ça leur plaise ou non, mais ils le font. Bon, là, je crois que les gens qu'on a qui font des manifs sauvages et qui viennent place de la République, moi, j'ai pas vraiment suivi ce qui s'est dit, ce qui s'est passé entre eux et les gens Nuit Debout hier soir. Mais je pense que voilà, c'est intéressant de voir parce que là, on n'a pas les forces de l'ordre. On a, j'ai plus l'impression qu'on a un regroupement d'individus qui travaillent dans la police. Et ça peut être intéressant d'aller les voir à ce moment-là. Moi, par exemple, à l'époque, là, au printemps, quand il y avait des gens qui allaient voir les flics qui avaient tabassé les gens au manif quelques heures plus tôt et les voir sur la place, ils sont avec leurs boucliers, ils attendent juste les ordres de tabasser tout le monde et de gazer la place et d'aller les voir avec des fleurs et dire « Ah, on est gentils, venez avec nous ». Mais c'était ridicule. Tout le monde s'en est rendu compte que c'était ridicule parce qu'ils étaient avec leurs ordres, ils étaient aux ordres de leur hiérarchie. Là, on a une situation qui est propice pour cette convergence des luttes, ce dialogue. Je dis pas qu'on va converger, qu'on va devenir des copains, qu'ils vont nous donner des armes et qu'on va faire je sais pas quoi ensemble. Non, c'est juste un dialogue. Là, je pense que les conditions d'un dialogue sont plus ou moins réunies. Essayons de capitaliser sur ce qui se passe actuellement. Et dialoguons avec eux sans qu'il y ait récupération ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Il y avait Gilbert. Ah. Oui, j'ai plus grand chose à dire parce qu'effectivement Rico a fait le tour un peu de la chose. Je crois qu'on est tous d'accord. J'aimerais bien voir ici naître un stand police debout, mon Dieu. Bienvenue, bienvenue, on vous attend. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je voulais juste intervenir pour la convergence des luttes. Je suis plutôt d'accord, surtout quand c'est des revendications de travail, des meilleurs moyens, tout ça, tout ça, tout ça. C'est très, très bien. Mais où il y a un truc, moi, qui me choque un tout petit peu, c'est que si on avait été 300, là, anti-nucléaire ou contre une autre cause, peu importe, eh ben on aurait été gazé. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en France, eh ben, il y a deux poids, deux mesures. Il y a une justice pour eux, une loi pour eux, une justice pour nous, une loi pour nous. Donc, à vous de voir, à vous de faire vos choix. Si. Monsieur... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je voudrais évoquer un point qui n'a pas du tout été soulevé ou alors en filigrane par les intervenants précédents. C'est qu'il ne faut pas oublier la raison d'être même de la police. Ils sont là pour faire appliquer la loi de l'État. Et donc pour moi c'est un point qu'il faut prendre en compte et ne pas perdre de vue dans tous les débats qui ont lieu par rapport à ce mécontentement soudain des forces de l'ordre, ce qu'on appelle des forces de l'ordre qui se voudraient établies. Voilà, je tenais à évoquer ce point qui n'a pas du tout été soulevé. Voilà. Merci de votre attention, bon courage. Faire respecter la loi. Bah oui, je vais prendre la parole sur la police. Ce que je trouve intéressant par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a un point commun quand même avec Nuit Debout, je pense, avec ce qui se passe avec la police, c'est que c'est le problème de la souffrance au travail. Parce que Nuit Debout, au départ, ça s'est fait par rapport à la loi 49.3, qui était la loi travail, et c'est un truc qui s'est fait hors syndicat aussi, donc là c'est hors syndicat. Et le point commun, c'est vraiment qu'on est dans une phase là, au social, où il y a un durcissement des conditions de travail, il y a une souffrance au travail, il y a des dégradations de conditions de travail, qui est vrai partout, y compris chez la police. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche toute la société, et la souffrance au travail devrait vraiment être un truc genre priorité nationale, quoi. Mettre fin à la souffrance au travail. Merci beaucoup. Moi, je me prénomme Michel. Moi, c'est Michel. Mais le fait qu'on parle de la police, moi, je reste sur le thème de la police. Et c'est quoi la police? On est bien tous contents d'avoir la police auprès de nous. Ils sont là pour nous soutenir et pour régler nos problèmes, même dans les moments difficiles. La police, ils sont là pour ça. Et ça, j'apprécie vraiment. Le fait que la police, elle est là pour régler nos problèmes, souvent ça nous dépasse. On va au suicide, on essaie de faire certains trucs. On comprend pas ce qu'on. Nous-mêmes, on sait pas pourquoi on réagit comme ça, mais la police, souvent, ils viennent pour nous mettre nos morales. Moi, ce que j'aimerais dire sur la police, c'est quoi? Un contrôle. Le mec, il a pas de papier. Papier ou pas papier, on n'a rien à foutre. Tu contrôles le mec normalement et comme il se doit et comme ils t'ont appris au service de police. C'est ça la police pour moi. Contrôler quelqu'un, t'as pas de papier, nanani, on te ramène au poste, mais on te ramène pas au poste pour te ramener dans un centre de rétention et pourtant dans un pays de droit. Qui dit pays de droit dit liberté, égalité, fraternité. On a tous Marianne en face de nous. Et une femme, elle est plus protégée qu'un homme en France. Et ça, on devait respecter. Et la police, elle le respecte plus que l'être humain, lui qui donne la femme au monde. Parce que celui qui donne la femme au monde, c'est nous. C'est nous. C'est nous, on met des femmes au monde. C'est pas des femmes qui nous mettent. Ils nous mettent au monde, les femmes. Mais à la base, c'est nous, on met le... Bon, bref. Mais moi, ce que je voudrais dire pour la police, les contrôles normaux, à être. On est tous des citoyens. On est des citoyens, on a une famille, on a des amis, on a tous. Ça arrive à tout le monde. Il y en a qui font des conneries, et il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui travaillent, et il y en a qui bigravent, et il y en a qui volent, et il y en a qui agressent, et il y en a qui font tout. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Dans le même sac. Parce que la police, c'est là où elle se confond vraiment des vrais trucs. Parce que moi, je dirais, la police, maintenant, quand ils font un contrôle, de peu importe de l'individu, mais ils sont agressifs. Et ces plaintes qui sont en train de faire une manifestation en ce moment un peu partout, c'est pas normal. Ils doivent se remettre en question, déjà, les flics. Ils doivent se remettre en question. Ils doivent faire une réunion, comme ils ont l'habitude de le faire, pour faire des descentes, ou pour faire, je sais pas, t'as vu, pour casser une maison de quelqu'un, pour attraper un individu, parce qu'on dit que non, ouais, nanani, on t'a vu sur Facebook parce que t'as une grosse barbe, nanani. Non, c'est pas comme ça. La France, elle a jamais connu ça. La France, elle a connu beaucoup de colonisation. Parce que ce qui fait la force de la France aujourd'hui, c'est la colonisation. Toutes les colonisations de la France, c'est ça qui les donne à manger. Et qui fait souffrir toute leur colonisation à eux qu'ils ont créé. Et moi, je trouve pas ça normal. Parce que les colonisations de la France, c'est quoi? Ils ont vécu tout ce qui était l'esclavage. Moi, je reviens à tout. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de flics. Même à l'époque d'où on vivait, il n'y avait pas de flics. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc, nous, on se faisait prendre comme des bêtes. On était des bêtes. On était bêtes. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire des films, par exemple, comme La Case Départ. Excusez-moi, madame. Laissez-moi m'exprimer. Comme La Case Départ, on est obligé de rigoler avec. On rigole. Mais c'est des trucs qui ont été vrais, qui ont vraiment existé. Ça a vraiment existé. C'est comme Django, ça a existé. Tous ces trucs, ça a vraiment existé. Des Noirs qui étaient contre des Noirs, des Blancs qui étaient contre des Blancs, parce qu'ils acceptaient pas ce que les Blancs faisaient. Vous me parlez des flics, on est bien d'accord avec les flics, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on se dit, la France fait partie de 5 puissances du monde. La France, hein, quand je dis la France de François Hollande d'aujourd'hui fait partie des 5. Monsieur, moi j'ai le temps de passer le micro, mais j'ai le droit de m'exprimer et j'ai envie de m'exprimer. Écoute-moi, vous allez m'écouter. Vous avez le droit, vous êtes un ancien en plus. Et un ancien, c'est pas vous, comme un ancien, de faire passer le micro. Parce que, écoutez la génération d'aujourd'hui. Écoutez la génération d'aujourd'hui et ce que nous on pense. Écoutez la génération d'aujourd'hui et de ce qu'on pense vraiment de l'État français de François Hollande. Quand on voit la gauche, ils sont en train de se détruire tous. Mais les flics, ils sont en train de voter tous pour Marie, pour le FN. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et pourtant, vous êtes un ancien. Vous me dites, passez le micro. Moi, j'ai des choses à dire. Moi, j'ai des choses à dire. Et les trucs que j'ai à dire, écoutez-moi, même si on est une petite minorité entre nous aujourd'hui, écoutez-moi quand même. J'ai pas besoin du monde pour que vous m'écoutez. Mais le fait que non, je suis en train de m'exprimer auprès de vous, c'est important pour moi. Parce que le gouvernement français, il est en train de se barrer en couille. Quand on dit en couille, on n'est pas là pour sucer les bites. On est là pour la réalité. Et on veut vivre la réalité. Vraiment la réalité. Quand on dit la réalité, chaque citoyen se connaît, c'est quoi la réalité? Parce que vous tous aujourd'hui entourés autour de moi là, vous savez c'est quoi la réalité de ce monde là? Ils parlent de Daesh, Boko Haram. C'est quoi? Pourquoi il y a Boko Haram? Pourquoi il y a Daesh? Pourquoi il y a tous ces trucs là? Mais posez-vous la question. Ce gouvernement doit se poser la question. Pourquoi il y a tout ce bordel qui se passe dans ce monde? Pourquoi? Mais dites-moi pourquoi? Et on est là comme des TB. Et c'est qui va se faire assassiner du jour au lendemain quand ça va se barrer en couille? C'est nous. Nous, les gens qui sont en train de parler là. C'est nous. On n'a pas de travail. Il y en a qui ont de travail. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui sont bien dans leur vie. Mais nous, quand ça va se barrer en couille, nous, on est qui, nous? On va être qui? On va être quoi? Et on va être qui? T'es quel nom? T'es qui? Tu viens de la famille Sarkozy? Non. Tu viens de la famille Hollande? Non. Tu viens d'où? Et pourtant, on est tous noirs. Je suis noir français. Et je suis entouré des blancs. Comme on dit, un petit. Je suis humain comme vous. Hein. Mais moi, je vous dis la vérité. Hein. Mais sincèrement, le monde est en train de se barrer en couille. Mais vraiment. mais tellement vraiment. Madame, vous en avez marre de moi, mais c'est pas grave. Je vous passe le micro. Je vous passe le micro. J'en ai rien à foutre, mais moi je l'ai dit, c'est que ils doivent entendre. Et ce qu'ils doivent entendre, c'est la vérité. Alhamdoulilah. Pourquoi il y a le terroriste en France? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Personne n'est d'accord de tout ce qui se passe en France. Pourquoi ils doivent manger et nous on a faim? Pourquoi? C'est bon. Bon, bah, on va continuer le débat. Qui veut prendre le tour de parole sur les policiers? Vas-y, à toi. Bah, moi, j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais je vais juste faire un petit complément parce que les idées me reviennent au fur et à mesure. Moi, je voulais, au-delà de la raison d'être de la police qui n'a pas été évoquée, c'est la pertinence même de leur fonction. À quoi ils servent exactement? Et par extension, je dirais la même chose de l'armée, la gendarmerie, la justice. Dans une société qu'on voudrait horizontale, quelle est la pertinence de leur fonction? Voilà. Pour moi, donc, je ramène ça au fait d'un comportement éthique, se prendre en main, et les uns par rapport aux autres. Si on veut une société sans dirigeants, il faut se prendre en main. Et leur fonction, elle est faite pour appliquer la loi, et leur manifestation, c'est dans un esprit républicain. Voilà, donc pour le maintien des structures actuelles du système. Merci de votre attention. Bon courage. Merci. Tu veux parler? Vas-y. Attends, j'ai pas encore parlé, donc j'ai la parole et tu fais comme tout le monde, tu t'inscris. Moi, c'est pour continuer sur ce qu'a dit monsieur. Je pense qu'il faut poser la place de la police dans l'État. C'est de ça qu'il faut parler. Parce qu'actuellement, c'est la police qui décide, la police prime sur le juridique. Et nous savons que c'est la police qui fait la loi et non pas la justice. Et je pense que c'est ça. Hein. Quelle police voulons-nous? Pourquoi il n'y a plus de police de proximité? C'est pas par hasard. Pourquoi il n'y a plus d'éducateurs de rue? C'est pas par hasard. Il me dit qu'il faut faire appliquer les lois que l'État a décidées. Mais je pense que ce gouvernement ne veut pas parler de la place de la police, parce que la police, elle a pris le pouvoir depuis très longtemps. Ils savent plus quoi faire, ils sont débordés. Même si un gouvernement était capable de poser les problèmes correctement, je ne sais pas s'ils y arriveraient à l'heure actuelle. Hein, quand on sait le pourcentage de vote FN de la police, ça sera très très très difficile. Donc moi, je n'ai pas de solution, mais je pense que c'est ça qu'il faut parler, de la place de la police. Quelle police voulons-nous? Parce que c'est pas la police, elle n'est pas inutile, hein, pas du tout. Hein. Mais actuellement, elle n'est que dans la répression, que dans le cassage de gueule des militants. C'est terrible. C'est devenu ça. Au lieu d'aider, pourquoi pas, la petite vieille qui traverse, si on avait une police de proximité qui n'est pas là pour réprimer, mais pour aider, et pour, pas notre sécurité, mais notre bien-être. Parce que la police, elle est là pour la paix sociale et pas pour la sécurité. On s'en fout de la sécurité. Si la police fait son boulot, on n'a pas besoin de sécurité sans arrêt. Voilà, moi, c'est de ça que j'ai envie de parler. Je te repasse le micro. Très rapidement, je voulais simplement dire que la société ne fonctionne pas et l'État se décharge sur la police. Et là, ils peuvent plus assurer. Voilà. Même dans la répression, ils peuvent plus assurer. Merci. Alors, tu veux parler? Voilà. Attends, il y a qui en premier? Inscrit d'abord, après. Attends, Franck. Il était en. Je pense d'abord que pour parler avec la police, il faudrait qu'ils posent leur matraque, qu'ils posent leur lacrymo. On serait à égalité. Déjà, pour parler, il faut être à égalité. Ensuite, leur fonction, je pense pas qu'ils aient une fonction de justice. Ils sont serviteurs de l'État. Et quand ça cogne trop pour eux, ben ils se plaignent. Mais ils ont choisi ce boulot. Et vraiment, je ne les plains pas. Hein. Je ne les plains pas parce que lorsqu'on manifeste, ils nous matraquent, ils nous gazent, ils sont violents, ils sont même haineux. ça se voit quand ils attaquent. Enfin, ils sont à plusieurs sur une personne à terre en train de matraquer. Ils tirent même quand c'est pas nécessaire. Par exemple, lorsqu'il y en a un qui était éborgné, il n'y avait aucun danger. Et ce type d'engin, on ne l'utilise que pour désencercler. Alors, ils ont utilisé en cloche. Il y avait au moins, quoi, au milieu de la place jusqu'à le Café de la République et à peu près au moins 50 mètres. Donc, ils n'avaient pas utilisé le truc. Donc, ces gens-là, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes que ceux qui manifestaient, par exemple, qui étaient venus hier soir. Hier soir, ceux qui étaient venus, à peu près 150 personnes, 150 flics, étaient appelés sur les réseaux Twitter par les jeunes du FN pour venir ici. Donc moi, je pense que... Bah, et j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est lorsqu'ils sont allés aux Champs-Élysées et qu'il y avait les gendarmes en face. Ce qui était remarquable, c'est que c'est une tranche d'âge complètement différente. Les gendarmes, c'est des gens mûrs, et là, les flics, c'était plutôt des jeunes. Et je me demande si les flics, les jeunes flics, sont des jeunes flics parce qu'ils ne savaient pas faire autre chose, quoi. Ils n'ont pas appris ou ne sont pas allés à l'école, ou j'en sais rien, mais il y a une flagrante différence de génération. Je parle sans micro, parce que je ne vois. Ouais. Je ne vois. Et le bon Dieu m'a donné cette voix de pouvoir m'exprimer. Bon, le mais... micro, c'est la merde. C'est nous, on a créé ce micro. Ouais. C'est l'être humain qui a créé ce que tu as là. Ouais. Bon, d'accord. Et alors? Et alors? Donc, ça veut dire, moi, mes créatifs, que je peux peut-être amener dans tout ce groupe qui est là. Oui, ça peut être très fort. Et très fort. Et mais est-ce que tu écoutes parfois les gens? Est-ce que tu écoutes les gens? Mais comment vous m'avez coupé le micro? Comment? Et alors, madame? Et alors? Et alors, quand quelqu'un a la parole, on ne coupe pas la parole à quelqu'un. Madame, vous ne me coupez pas la parole. Vous avez deux mots de bordel. Mais ça, c'est quoi? La merde! Ça, c'est la merde! Tu vas pas aller dans ta tombe avec ça! Donc, si on devait... On avait envisagé le 18 mai, parce qu'il y avait une manifestation organisée par la police sur la place de la République. On avait envisagé de pouvoir parler avec eux en assemblée, c'était assez ok. Mais il y avait le groupe des familles qui avaient subi les violences policières, donc les familles des morts, des blessés, qui était complètement contre, et finalement on n'a pas pu ni l'envisager ni le réaliser puisque le préfet avait bloqué toute la place avec des barrières. Et ce jour-là, il... Les gendarmes avaient protégé la police, donc deux corps différents. Et vers 13h, 13h30, les manifestants de Nuit Debout qui ne pouvaient pas entrer sur la place sont allés vers les quais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un... Non, faut pas le tourner vers ici, tu le tournes vers... voilà, comme ça. Il y a une voiture de cramé. De police, donc de cramé, avec un garde de sécurité et une policière dedans. Et le jeune qui a cramé ça, on le connaît toujours pas au jour d'aujourd'hui. Mais c'était l'ambiance. C'est-à-dire, comment voulez-vous avoir un dialogue avec, l'attitude de la préfecture, la fonction de la police, et qui demande à ce qu'on les comprenne par la suite. C'est vraiment, on a eu la discussion entre nous, on se pose des questions, comment faire et tout ça, puis et la fonction et l'attitude ne permettaient pas, enfin jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas permis ce dialogue. Il y en a qui le veulent parce qu'ils disent un jour il faudra mettre l'État en bas et donc la police devra baisser les crosses. Voilà. C'est. Ouais. D'accord. Ok. Et je... bon, je. Donc voilà, les conditions en tout cas sont pas encore réunies. Même s'ils se plaignent, ils se plaignent. C'est peut-être une manière de dire. Enfin, hier soir, ils sont pas venus parler avec nous. On est... Il y a quelques-uns qui ont parlé, mais il n'y avait pas de dialogue. Et pour ceux qui ont parlé avec eux, c'était pas génial. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a un mec qui s'appelle Serge Kadripani qui a écrit un super texte. Et il faudrait qu'on l'invite sur la place le week-end prochain. À propos de la police. Voilà. Alors, il y avait donc du coup, comme après il y a l'intervention avec écologie, on prend les derniers tours de parole. 1, 2, 3, je crois. Et puis après, on va. Oui, bonjour à vous tous. Il y a aujourd'hui la police, l'institution qui se révolte. Ils sont déjà dans l'illégalité. Ici, ils se révoltent. C'est parce que l'État est défait. Il y a énormément de problèmes aujourd'hui en France. Mais moi, je serais assez compréhensif et je suis loin de vouloir faire l'amalgame entre toute la police. Il y a des gens, effectivement, qui sont engagés dans la police avec une notion de bien servir l'État, respecter l'individu, la citoyenne et le citoyen. Quand il est commis une erreur, il est effectivement verbalisé ou puni, mais quand quelqu'un n'a rien fait, ils ont également cette attitude qui peut être respectable. Malheureusement, dans cette police-là, ça c'est le revers de la médaille. Mais le revers de l'autre face de la médaille, il y a une police qui matraque, qui tue des jeunes dans les banlieues, et que jusqu'à aujourd'hui, des dizaines de morts, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé un flic, un policier coupable. Qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils veulent un droit de tuer, c'est ça qu'ils veulent, de plus de choses. Alors, je ne suis pas d'accord s'ils demandent en fait l'autorisation de tuer. Parce que quand un jeune ou une personne n'est pas contente, et on arrive à quelque chose d'extrême. Le policier a toujours ce calme, il peut toujours viser, non pas pour enlever la vie, mais pour finalement blesser le supposé agressif ou tout ce qu'on veut, pour qu'il ne perde pas la vie. Or, on en est à des dizaines de jeunes morts qui sont à la fleur de leur vie. Et ça, la police, elle a un passé colonial. La police, elle a un passé en ce qui concerne le drame algérien, le 17 octobre 1961, où ils sont fait cueillir des femmes, des enfants, des hommes, désarmés, annoncer que c'était une manifestation tout à fait pacifique. Eh bien, ils se sont fait massacrer, parce que le fameux préfet à l'époque, à quelques heures de cette manifestation, il a chauffé à blanc cette fameuse police de l'État, en annonçant qu'il y avait 12 de leurs collègues qui se sont fait massacrer par le FLN algérien. Et c'est ça l'irresponsabilité. C'est-à-dire on a des simples policiers qui peuvent être sympas, mais on a aussi toute une hiérarchie derrière. Et c'est jusqu'au plus sommet de l'État, quand vous entendez aujourd'hui des hommes politiques tenir un langage irresponsable, pour créer des isanies au sein de la société française, c'est quelque chose de dramatique. Oui, il y a une police citoyenne qui respecte le citoyen. Elle est là pour ça, pour mettre de l'ordre. Non, une police qui assassine pour un oui ou un non et qui a tendance, ça aussi c'est une réalité, de plus en plus, elle est à l'extrême droite. Voilà ce que je voulais dire. Et hier, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu quelques échanges et ils n'étaient pas prêts au débat. Ils sont incapables de venir expliquer comment ils peuvent commettre jusqu'à l'ultime crime et qu'ils n'ont même pas cette conscience d'essayer de réfléchir là-dessus. Voilà, je vous remercie. Juste, je vous invite un peu à vous avancer en fait, parce que sinon il y a plein de gens qui restent sous la pluie. Donc voilà. Et donc je vous donne le dernier tour de parole et après on passe au thème suivant. Ouais, ben c'est pas facile. En fait, il y a juste une chose, c'est que faut le rapprocher. Merci. Bon, ce qui me fait... je suis incapable. Mais je peux peut-être tout simplement parler comme ça. Je suis peut-être pas obligée d'être dans ce truc qui m'impressionne. Non, mais je vais essayer. Il y a ces hommes et ces femmes qui sont flics aujourd'hui, qui sont excédés et qui passent outre des droits qu'on nous impose, nous, quand on est excédé et qu'on veut se plaindre. Bon, ok, mais moi, la grande question que je me pose, c'est si l'État leur donne ce qu'ils réclament, ce dont ils ont besoin, demain, que feront-ils? Est-ce qu'ils prendront le choix? Est-ce qu'ils auront les couilles? Est-ce qu'ils comprendront les autres qui sont excédés, manifestent? Et est-ce qu'il y aura vraiment une coalition, une convergence? Ou est-ce qu'ils prendront, ou est-ce qu'ils feront un choix citoyen? Ou est-ce qu'ils feront le choix d'obéir à leur patron, quoi? Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur aujourd'hui. Alors, ça coquiner avec eux, c'est bien, mais je crois qu'il faut creuser avant. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Merci, madame. C'est la fin de. On arrête le débat parce qu'après il y a écologie, mais c'était pour ça qu'on voulait faire ce débat-là aujourd'hui, parce que c'était la question finalement s'ils ont ce qu'ils veulent au niveau politique, ça veut dire plus de répression en fait. Jusqu'où ça peut aller? Par contre, si on commence nous à peut-être à faire un débat, à profiter en fait que. Mais faut pas le mettre trop fort en fait, sinon ça fait du Larsen. Si on peut nous avoir un débat déjà au début avec eux. Parce que là, c'est quand même l'occasion. Voilà, ils ont déposé leur... Là, on peut les rencontrer. Hier, on a été plusieurs à aller parler avec eux. On a pu avoir des débats. Hein. Enfin, on a pu discuter avec eux. Donc, c'est une occasion qui se présente quand même pas souvent. C'est pas pour être tous d'accord, mais au moins pour qu'il puisse y avoir un échange qui n'existe jamais. Et ils sont eux-mêmes les premiers à dire qu'il y a une incompréhension et pas de communication entre citoyens et police et que c'est très dommageable. Donc, on ne sait pas forcément ce que ça produira, mais au moins, on peut essayer de commencer quelque chose. Tu voulais... C'est très bref ou... Vas-y. Bonsoir tout le monde. En fait, pour les flics, ça marche pas là. Ah, ça marche. Ah, ok. En fait, pour les flics, parce qu'en fait, les flics, ce qu'ils veulent, en fait, ils veulent faire part comme les Américains. Ils t'étient, soupe de renois, nous, ils nous tient facilement. Comme ça, on pourra rien dire, en fait. C'est pour ça qu'ils sont là, ils sont en train de manifester tout. Donc, pour avoir le droit de tuer les gens, en fait, facilement. Et c'est juste ça dans la manifestation. Pierre, si tu veux, je peux la faire. Oui, non, c'est juste à passer. Okay. Bon, moi, je vous ai expliqué les choses. La police manifeste parce que maintenant, ils n'ont plus beaucoup d'autorité. Ils veulent se faire entendre. Comme il a dit le monsieur là-bas, ils veulent faire passer la loi de sans sommation. Ils veulent que nous, on marche dans leur sens. Mais dans un sens que nous, on sait qu'on ne pourra pas suivre comme des moutons. Déjà, les élections, ça fait une partie de ça que la police a fait dégrader. Regardez bien les jeunes de banlieue. Tout le temps, on dit les jeunes de banlieue ont attaqué la police. Tout le temps. Mais on ne dit pas quand la police elle a attaqué les jeunes de banlieue. Ou même des personnes innocentes. Par exemple, on est bien dans une liberté d'expression. On est bien d'accord. On est libre de nos choix. Libre de vivre. On est libre de s'exprimer. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a même des femmes, que ce soit une culture religieuse, que ce soit dans le christianisme, que ça soit dans le juivisme et le musulmanisme, excusez-moi, j'ai bugué. C'est pour vous dire, voilà, les femmes, elles sont libres de s'exprimer. Pourquoi, moi, dans ma ville, à Meaux, dans le 77, où le maire est copé, des mamans vont chercher leurs enfants à l'école parce qu'elles portent leur foulard, la police prenne des photos pour afin de leur mettre une fiche ou pour les mettre sous contrôle judiciaire? Pourquoi des mamans battues, même si c'est un policier, elles sont battues par des policiers juste parce qu'elles se promènent avec leurs enfants, parce que leur enfant, par exemple, la police a fait une manifestation, l'enfant il traverse, il dégage l'enfant, il le pousse, elle veut défendre son enfant, il la frappe. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne trop d'importance. À la base, c'est des personnes qui travaillent comme nous. Je dis pas le contraire, je dis pas qu'il y en a, ils sont bons, mais il y a beaucoup de ripos aussi. Il y en a qui font des trafics, mais on ne leur dit rien du tout. On fait passer, voilà, parce que c'est un policier, fait partie de la maison, on va classer cette affaire sans suite. Vous, par exemple, vous avez une barrette sur vous. Et un policier, il a une barrette sur lui. Vous croyez que c'est qui va être en tort ? C'est nous. On est bien d'accord. Pourtant, c'est une personne comme moi. Elle mange comme moi. Elle mange comme moi. Elle boit comme moi. Non, ça dépend. Je pense pas qu'elle fume comme moi. Mais voilà, c'est pour vous expliquer le sens de leur manifestation. C'est à nous, en fait, de se réveiller. C'est à nous de se réveiller. Avant, c'était pas comme ça. C'est à nous de se réveiller. Maintenant, les gens, ils ont peur. Tout le monde rentre chez soi, ferme sa porte à double tour. Pourquoi ? Pourquoi ? Faut pas avoir peur. Moi, je vous dis, en tout cas, il faut se réveiller. C'est à nous de montrer que on est libre et qu'on peut vivre tous ensemble. Que ça soit police ou l'homme qui est là-bas, lui qui mange des gâteaux, celui qui va à Leader Price ou à la poste. Voilà, faut se prendre en main, comme il a dit Salah. Merci. Non, Rico, là, faut qu'on arrête. Excuse-nous. Non, c'est juste pour dire que voilà, si vous voulez parler de ce sujet-là, n'hésitez pas à venir nous voir et vous pouvez faire une intervention de 20 minutes. Vous présentez votre projet pendant 20 minutes et après on en débat pendant 40 minutes. Voilà, donc si jamais le sujet de la police, là, on est obligé d'arrêter, c'était improvisé, hein, c'était pas prévu. Ou sinon, voilà, on peut le reprendre. En fait, on a la boîte à questions qui est prévue à 18h. On peut continuer sur ce débat-là, il n'y a aucun souci. Voilà. Ok, merci. Donc là, maintenant, on va... Moi, j'attends rien, hein. C'est... Donc...